des mécaniques dans son garage privé, fier d'avoir réussi. Ou d'autres, dans le décor, se sont plantés. Les filles mimiques qui roulent en mini, les belles princesses en Mercedes, les cajots qui roulent en Peugeot, et les gros lolos en Ferrari viennent chez lui et demandent conseil. Et lui se tâte, lui se hâte, se met à quatre pattes et glisse ses mains dans le cambouis. La veste tachée, les ongles noircis, les blessures qu'on oublie, noircis, les blessures qu'on oublie. Si t'es une jolie fille, tu lui fais un sourire, y'a moyen de s'arranger. Trois pièces à changer si t'es un gros connard. Tu joues les mecs pressés, une durie de pété. C'est le moteur qu'il faut changer. Les pas bien beaux qui roulent en Renault, les VRP et leurs coupés, les mecs bavards qui viennent en camping-car, et les alcoolos en mobylette viennent chez lui et demandent conseil. Et lui se tâte, lui se hâte, se met à quatre pattes et glisse ses mains dans le cambouis. La veste tachée, les ongles noircis, les blessures qu'on oublie, noircis.